Oh, fricoding, mec. Oh, fricoding, fricoding, mec. Mais qu'est-ce que tu fricotes encore dans ton coin? Prépare un fric fragmental, j'crois que t'es dadin. Le sasin sous un parle, la langue des uns et des unes. Zonard zozo, fais la thune en jouant au zigoto. Prends la fuite, dardard, quand la volaille arrive en l'eau. On a volé pas le vol dans les films, rimole. Et je sais au cul fine, n'importe quelle ne le fit pas. Oh gars du labo, mec. Écrivain décisif ou dindin inventif. Dans une ambiance plus dantesque sur ma tête, pas de kiff. Ah, faut que tu diffes, des gannes s'y font pas, pas de chiffre, on garde. Pour essuyer le tableau de la violence, arrête au cirque, arrête au cinéma. Arrive la cola, le débris, tout se dit, j'garde rien, j'peux faire qu'il n'y ait pas de gâchis. Que d'un fréquent fou, à tous les gars du labo. Appréhender les miens, t'as vu mon trou, mon poids, mon palmarès. Max de face, je suis retiens de Palm Beach à Bucarest. Mais passe, c'est pas pour nous, j'ai vibré même les Alsaciens. Le 21, on passe à 16, regarde, c'est comme les Dalmatiens. Trois visages, pas trop tête gris et antilope, ça te l'a cité. Et si t'as pris ton pied, pense quand même à nous féliciter. Maximum de face. Depuis un bon bout de temps, je prie parmi les bons, mais rien ne pense. Sous mon lit, des regards coulent, certains bafouillent et d'autres prétendent. Rime trop facile, répète un peu et dans 20 ans, on retrouvera ton fossile. Tu prends Cécile, y'a quoi? Graine parmi tous ceux que tu traînes, une veine pour toi, la scène est pleine. Le mic, mon dos, j'ai promis que mon taf, pour tous ces mômes, sorti de l'ombre. Je compte sur mes arrières, mon crew, tu sais, les 7 heures pères. Depuis que mon rap éclaire les frères, je sers soudain de repères. Malgré tout ça, j'en perds certains et s'ils déteignent, c'est pas leur main. J'ai vu des flics marquer mon âme, mon calme, je garde, plus je calme. Mec, depuis je mène moi-même, une vie de pute me passe en même. Savoir si mes coups font mal, c'est là que tu sexies. Les mots ont plus d'impact qu'une matraque, le même drac, puis mon drac, les mots. Appréhender les miens, t'as vu mon crew, mon poids, mon palmarès. Max de face, je suis retien de Palpite à Bucarest. Mais passe, c'est pas pour nous, je fais bouger même les Alsaciens. Le 21, on passe à 7, regarde, c'est comme les Dalmatiens. Appréhender les miens, t'as vu mon crew, mon poids, mon palmarès. Max de face, je suis retien de Palpite à Bucarest. Mais passe, c'est pas pour nous, je fais bouger même les Alsaciens. Le 21, on passe à 7, regarde, c'est comme les Dalmatiens. En faction, et second en équipe, en une fraction, je m'équipe à tout instant. Dame si fou, d'un boxon terrible. Le boxon vise, les titres, mais bientôt la technique s'affilera. Marée, engloutissement des édifices. Profonde, sur de la roche-paille. Il faut que mon crew crèche. Qu'on passe notre t'inquiète, pour ça on bêche. Travage dur, plus de temps devant nos feuilles que dans les shops de sable. Vide la feuille, mon mais but. J'avais envie d'être choc. J'ai crié de mes joies, je veux sortir de l'eau. Que mon hymne soit gentil jusque dans les maternelles. Que partout que mon style est technique, c'est fort, puissant, mortel. T'es là où un homme synonyme. Défoule comme dit foule à mon proche, j'accoste comme mes pistos. Max de base, les gros clim et les hauts coups de balisto. Sorti de nom, mon coup a fait fureur comme dragon. Les wak illuminés, les insectes ont tué au bégon. T'as le béguin du max de base, mes frangins, il te manque une case. Je me souviens, bien qu'à la base, t'avais bien dit que c'était naze. Yo, ATK, mon groupe, mon crew, mon poste depuis le début. De 21, on passe à 7, cherche bien, tu trouves un rebut trop. Mais t'as fort, à peine descendu, c'est non dit. Et test, mais t'es fort, le best. On encore fait des siennes comme Mr. Kennedy. Je Kennedy, comme John, t'es pas colossal. Maximum de base. Ça t'es qu'à le coup de colosse.